Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science. Aujourd'hui, épisode numéro 32. Alors, je suis en compagnie du professeur Fon. Comment ça Salut va? Mathieu, ben, ça va bien, ça fait plaisir de te retrouver. Eh oui, bon, aujourd'hui, on est de nouveau sans Antoine. Il a deux, trois petits soucis, mais bon, voilà, ça va s'arranger. On est confiant qu'il va être de retour parmi nous bientôt. Yep, des soucis de santé dans sa famille, bon, on leur tient les pouces à tous, quoi. Alors aujourd'hui, on va. Bah, peut-être, je crois que tu voulais peut-être dire une chose à propos de l'illustration de Lucille dont on a honteusement pas encore parlé dans Podcast Science. Mais ouais, je m'en veux beaucoup. Là, on est pratiquement mi-avril et j'ai encore jamais parlé de son illustration du 1er avril. Ouais, c'était super. Donc, c'était pour notre numéro spécial. J'aurais dû le dire le jour même. Complètement oublié de le noter. Et puis, du coup, j'ai oublié de le dire. Et puis, même chose la semaine suivante. Donc, voilà, toutes mes excuses, toutes mes confuses à Lucille en particulier. Et puis, surtout, alors, filer sur le site, dérouler un petit peu, parce qu'évidemment, il y a eu de nouveaux trucs depuis. Pour voir cette illustration du 1er avril. Ouais, bon, je crois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l'a vue, quoi. Elle est forcément envoyée sur Twitter, sur Facebook, donc je pense que pas mal de nos auditeurs ont pu la voir. Alors, pour continuer, on va peut-être commencer par deux, trois news. Bon, on s'est dit, il y a tellement de news Facebook que c'est un peu compliqué de toutes les reprendre. Alors, on va faire une petite sélection de la semaine entre les news Facebook et entre les commentaires et tweets et autres choses qu'on a reçues durant la semaine. Alors aujourd'hui, on en a relevé quelques-unes. Alors pour commencer, on va parler d'un commentaire que nous a envoyé Grindizer, si je pense que je prononce bien. Ouais, Grindizer, c'est le nom original de Goldorak. Je sais pas Ah! pourquoi ça a été traduit comme ça en français, mais dans toutes les autres langues du monde, c'est Grindizer. Alors, je savais pas du tout. Ah bon? Ouais, voilà. Mais on apprend plein de trucs dans Podcast Science. Alors, bah, il était revenu sur le dossier de la semaine passée sur la matière noire, où il a mis un petit commentaire où il dit: Ouh, avec quelques équations plus, ça ferait une intro digne de certaines thèses que j'ai pu lire en la matière. Ben, Waouh, bah dis donc, merci pour le sacré compliment. compliment. Ouais, je pense que c'est un peu exagéré quand même. Ah, moi je trouve que c'est totalement mérité, c'est de la balle ce dossier. Magnifique. Il nous a, ben justement, il nous a envoyé quelques liens pour compléter un peu le dossier, une vidéo où on voit la collision de deux amas de galaxies observées de très près au rayon X par Chandra. Et comme la matière visible et l'antimatière n'interagissent pas de la même façon, ils sont séparés par la collision et on observe par l'effet de l'antigravitationnel dont on avait parlé dans le dossier de la semaine passée. On observe qu'ils correspondent donc la matière visible et l'antimatière à deux tas distincts de matière noire. En fait, il faut regarder la vidéo, c'est un peu plus explicite. Ouais, bon, on mettra le lien évidemment dans les notes de l'émission. Mais tout ça pour dire que, visiblement, selon ce qu'il nous a envoyé, la matière noire aurait été détectée dans ce cas de figure. Mais si j'ai bien compris, on n'est pas encore sûr de quelle en est sa nature. D'accord, donc on sait que ça existe, on l'a observé, c'est plus du tout une hypothèse, Bon, mais on sait pas très bien de quoi c'est fait, c'est je ne ça? veux pas trop m'avancer non plus, mais selon les liens qu'ils nous ont envoyés, il y a visiblement en tout cas une observation. D'accord. De là, je veux pas trop m'avancer non plus. Ok. Alors sinon, dans un tout autre registre, une autre vidéo qui a été partagée par un de nos auditeurs, c'est Thierry Reber, un nouveau fan du podcast, qui nous précise que dans Podcast Science numéro 20, ton dossier sur le langage des sourds, qu'il a particulièrement apprécié. Il nous fait juste remarquer que nos conclusions, c'était les miennes en fait, je crois. C'était la discussion informelle à la fin du dossier. Nos conclusions étaient un peu hâtives quant à la capacité des grands singes à communiquer. En fait, le langage humain est beaucoup plus subtil que le simple apprentissage du vocabulaire. Il ne s'agit pas juste d'être capable d'articuler les sons. Il faut encore des processus cognitifs spécifiques qu'on trouve. En tout cas, pour le moment, qu'on a observé que chez l'être humain. Donc, Thierry nous invite à consulter la vidéo d'une conférence de Dan Sperber sur les subtilités du langage humain. J'ai pas eu le temps de tout regarder encore, juste vu l'intro, mais c'est assez long, c'est un peu plus d'une heure. Ça a l'air super intéressant. Là aussi, on mettra le lien sur le site. Ouais, autre chose aussi qui nous est envoyée par Topo, donc qui est très actif, merci à lui, il a un blog qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things qui parle de beaucoup de thèmes scientifiques, et c'est marrant, on se recroise souvent, il y a des thèmes qui se retrouvent sur ce site et lesquels on a traités. Donc il en profite pour nous compléter un peu les informations. Et il est revenu sur le podcast Science numéro 4, dans lequel on avait traité de la régénération des membres chez certains animaux et entre autres chez les salamandres. Et il nous dit qu'on avait aussi parlé d'un autre animal qui s'appelle l'axolotl. Et il nous dit que c'est un des très rares vertébrés à posséder. Enfin, nous, on avait dit plutôt dans le podcast que c'était Ouais, c'est ça. un des très rares vertébrés à posséder la capacité de régénération à l'âge adulte. Et on avait parlé d'une propriété ancestrale conservée chez cet animal. Et on avait parlé aussi de la propriété accrue des capacités régénératrices chez les larves de la plupart des vertébrés. Eh bien, en fait, pour apporter sa pierre à l'édifice, il nous dit qu'on peut faire un rapprochement entre ces deux informations et le cas de cet animal, donc l'axolotl, sachant que c'est une sorte de salamandre qu'on trouve, si je ne me trompe pas, au Mexique. Et donc, dans le cas de l'axolotl, sachant que cette salamandre a en fait un développement retardé, une propriété qu'on appelle dans le jargon scientifique la néoténie. Alors, j'ai regardé en gros ce que c'était la néoténie, c'est une sorte de processus qui a lieu et qui permet à des animaux comme l'axolotl qui sont à l'état adulte de garder des propriétés de l'état qu'on a à l'état enfant, comme par exemple la régénération des membres qui est beaucoup plus effective quand on est enfant qu'adulte. Et cet animal, donc l'axolotl, jouirait de propriétés accrues de régénération grâce à cette néoténie et la conservation de propriétés juvéniles à l'âge adulte aussi. Et bon, il nous dit que rien ne nous laisse imaginer que ces propriétés soient ancestrales ou vertébrées, comme on l'a dit. Lui pense plutôt que que c'est une propriété qui a émergé d'une branche du vivant qui possédait déjà les deux phases, larve et adulte. Du coup, la propriété ancestrale concerne plutôt la régénération larvaire. Je Ok. sais pas si tu m'as compris, en fait. Wow, moi, c'est, si c'est Topo qui le dit, je lui fais une confiance absolue. Donc, ouais, ce qui nous dit, c'est qu'en fait, il y a ce fameux procédé qu'on appelle néoténie, qu'on peut retrouver chez certains. C'est un procédé, la néoténie, t'es sûr, c'est pas un état plutôt? Bon, alors Tu peut-être, ouais. vois, ouais, moi j'avais qu'une vague notion de néoténie en entendant Cyrulnik parler une fois, qui prêtait des traits de néoténie à l'être humain en disant que on fait partie des rares espèces qui conservent à l'âge adulte beaucoup de leurs traits de l'âge enfant, enfin beaucoup de traits de l'enfant. Bon, Ouais, bon. évidemment, voilà, je suis nous en train de massacrer un sujet que je maîtrise mal, mais. Non, mais en gros, c'est de la néoténie, c'est qu'on conserve à l'âge adulte certaines propriétés qu'on avait à l'âge Ouais, c'est ça. Ok. larvaire ou enfant ou Ouais. plus jeune. Voilà. Bon, sinon, Topo encore. Alors, il a beaucoup contribué cette semaine. Je crois qu'il a un peu rattrapé son retard. En fait, il y a plusieurs auditeurs qui ont rattrapé leur retard, qui nous ont pris en cours de route comme ça, puis qui ont réécouté les anciens épisodes les uns après les autres. Le record, quand même, il est chez Thierry Reber, qui m'a dit les avoir écoutés en 2 jours. Je ne sais pas comment il a fait ça. Je ne sais même pas combien d'heures on a produit d'émissions jusqu'à maintenant. Écoute, 30, on est quoi, épisode 32? Épisode En gros, 32, une heure ouais, au par début on s'en épisode. tenait à peu près une demi-heure, mais après ça a dégénéré. Donc ouais, ça doit faire. Entre 30 et 40 heures, je pense. Ouais, bon, moi j'aurais dit un peu moins, mais enfin beaucoup quoi. C'est taper ça sur 2 jours, je pense qu'il faut avoir un week-end à disposition, puis pas avoir peur de l'indigestion, en tout cas merci bien. Topo aussi donc nous a réécouté comme ça en remontant dans le temps, et puis il nous a posté un petit commentaire sur le numéro. Ouais, deux commentaires en fait sur le podcast science numéro 7, j'y arriverai. Sur le graphène, où c'était moi qui me demandais si un jour on verrait des écrans à la Minority Report, bah voilà, Topo nous a posté des liens qu'on va relayer, donc effectivement ça existe déjà. Bon, par contre, je crois pas que ce soit fait avec du graphène. Ouais, non, c'est ce qu'il nous dit. Pas la peine d'attendre les applications du graphène pour l'obtenir. Voilà, quelques démonstrations de. C'est surtout en termes d'interface homme-machine que c'est intéressant, plus qu'en termes de science des matériaux. Parce qu'en fait, Ils ont. c'est un gros bricolage qui a été fait avec une Wiimote, un écran Ouais. plasma et du bricolage et du hacking mis là au milieu, non? Ouais, c'est ça. Et puis ça remonte à un moment quand même. Ça remonte à janvier 2009. Depuis, il y a d'autres hackings encore plus intéressants qui ont été faits autour de la console Kinect, notamment. Bon, là, on a pas les vidéos, mais ouais, on y arrive gentiment quand même. Minority Report, c'est plus de la science-fiction, en tout cas pas à ce niveau-là. Non, c'est vrai, là on voit de plus en plus d'écrans tactiles et de choses incroyables, c'est pour bientôt. Yep. Autre chose, alors il est aussi revenu sur le podcast Science numéro 7, à propos du test du miroir, qu'on avait parlé que certains macaques rhésus, qui ne sont pas des grands primates, avaient la capacité, dans certains cas de figure assez particuliers, d'avoir conscience d'eux vis-à-vis du miroir. Donc, il est revenu sur ce test du miroir pour nous dire qu'il y a aussi certains oiseaux comme la pie qui réagissent au test du miroir, l'éléphant, peut-être le chien. Il nous a mis un lien, donc il nous a mis deux, trois liens. Et dans le cas du chien, j'ai lu le lien. Ouais, ça m'a pas trop convaincu parce qu'en fait, l'expérience, il s'agissait, c'est un. Une personne qui avait un chien et qui la promenait dans la neige et où le chien urinait, il reprenait l'urine de chien, il la remettait un peu plus loin et regardait comment sentait le chien l'urine, sa propre urine et les urines des autres chiens. Et quand il ressentait sa propre urine, visiblement, il la sentait pas de la même manière, ce qui voudrait dire qu'il avait conscience que c'était son urine à lui et voilà, qu'il avait un certain degré de conscience de sa personne. Bon, moi j'ai trouvé un peu limite comme expérience, mais. D'accord. Et voilà, il nous parle aussi d'une fraude qu'il y a eu à l'université d'Harvard, visiblement, je crois, un certain nombre de processus cognitifs qu'on appliquait chez les humains. Je crois qu'il y a un certain nombre d'études un peu falsifiées qu'on essayait de qui disaient que c'était reproductible sur des animaux. Bon. Ça, c'est pas la première fois qu'on voit un peu ces scandales. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même un certain nombre d'animaux qui passent le test du miroir. Ce qui est rassurant, je trouve. C'est bien. Ouais, on se sent moins seul parmi les créatures intelligentes, c'est ça que tu Voilà. veux dire? Mais ouais, non, juste pour dire aussi, j'ai justement un chien et c'est marrant parce que où j'habite, il y a un ascenseur et il y a un miroir dans l'ascenseur. Et effectivement, Il en profite pour se non, pomponner. mais il ne se reconnaît pas dans le miroir et moi, ça m'impressionne toujours parce qu'il fonctionne d'abord avec l'odorat, avec son nez. Et s'il sent pas quelque chose, il va pas prêter attention plus loin que ça finalement. Et il a beau, non, il réagit pas du tout au miroir, quoi. Ça m'impressionne tout le temps. Ouais, c'est pas tant, c'est vrai. Ok, puis bon, sinon, Topo nous a encore envoyé des quotes. Enfin, elles étaient destinées à toi, mais comme tu relevais pas la boîte mail de Podcast Science jusqu'à aujourd'hui, je les ai vues. Alors, on va attendre que je les oublie, comme ça, je pourrai avoir la surprise quand tu les passeras, d'accord? Oui, alors effectivement, il nous a envoyé toute une série de quotes. Alors, si j'ai bien compris, Topos et Pierre Kerner, c'est la même personne, c'est ça? Ouais, D'accord. Topo, Pierre D'accord. Kerner et Strange Stuff and Funky Things. J'avais pas fait le lien avec Pierre C'est Kerner. une seule et même. D'accord, ben oui, alors il nous a envoyé toute une série de quotes que j'ai mis au chaud. Et que voilà, d'ailleurs, aujourd'hui, on en aura l'une d'entre elles qui nous a envoyé. Alors, ça, on la verra en fin d'émission. Magnifique. Et puis bah là, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet avec nos dossiers. Donc c'est toi qui vas commencer. Tu nous as préparé un dossier sans réponse à une question d'une poditrice et amie, Valérie. Salut Valérie, qui Alors, nous demandait. Qu'est-ce qu'elle nous demandait, Valérie? oui, elle nous demandait pourquoi les grains de maïs explosent et font du pop-corn. C'est une bonne question, ça. Ouais, alors j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grain de maïs est constitué d'une part d'une très petite quantité d'eau et d'huile au centre du grain. C'est couvert par une couche d'amidon et le tout est enfermé par une enveloppe extérieure dure. Jaune, une sorte de coque rigide et imperméable qui entoure le grain. Et l'amidon est formé lui-même de petits sacs serrés les uns contre les autres qu'on appelle des granules. Et lorsqu'on fait chauffer le grain de maïs, l'eau concentrée au centre du grain de maïs pénètre dans les petits granules d'amidon. Cette eau contenue alors dans ces granules entre en ébullition et se transforme en vapeur. Elle commence à repousser l'amidon, la vapeur commence à repousser l'amidon en périphérie du grain. Et l'amidon, du fait de la température et de la pression, commence à cuire et devient visqueux, mou et malléable, et permettant ainsi l'agglutination des granules entre eux. Et aux alentours de 180 degrés, la pression de la vapeur d'eau devient trop forte, et l'enveloppe extérieure est alors soumise à une très très forte pression aussi, et se brise subitement, entraînant son explosion. Donc visuellement, le grain éclate. Et la vapeur d'eau alors s'échappe rapidement, projetant l'amidon dans tous les sens, alors que l'enveloppe, elle, est noyée dans le propre amidon qui est projeté dans tous les sens. Et très rapidement, l'amidon sort refroidi et redevient solide, avec cette fois la forme du pop-corn que l'on connaît bien. Encore une petite chose, le grain, une fois qu'il s'est transformé en pop-corn, a gagné près de 10 à 30 fois son volume initial. Et des études montrent que pour un éclatement optimal, le grain doit avoir une teneur en eau de l'ordre de 14%. Et aussi une chose, il existe en fait une seule variété de maïs capable de produire du pop-corn. C'est le maïs qu'on appelle maïs à éclater. Il se trouve néanmoins sous deux formes différentes, qu'on appelle mushroom et butterfly. Et ce type de maïs donc a éclaté à des graines plus petites que le maïs commun. Mais celles-ci ont une enveloppe beaucoup plus solide et résistante, qui ne fissure pas à tout bout de champ, mais qui explose radicalement quand les conditions de pression deviennent insoutenables. Alors que pour le grain de maïs standard, cet effet d'imperméabilité de l'enveloppe ne se produit pas. L'enveloppe se déchire rapidement, et l'humidité et la vapeur d'eau s'échappent alors plus facilement, et la graine fait pfft au lieu de faire Ah, c'est joli ça. pop. Donc voilà, j'ai encore mis, vous verrez si vous allez voir le dossier sur le site, j'ai mis une vidéo où on voit au ralenti, en gros plan, l'explosion d'un pop-corn, enfin l'explosion d'un maïs en pop-corn, c'est assez impressionnant. Excellent, je me réjouis de voir ça. Mais donc il y a une seule variété de maïs, sur toutes les variétés de maïs qui existent et qui ont existé, il n'y en a qu'une qui permet de faire des pop-corn. Ouais, C'est un véritable. qui peut visiblement se décliner sous deux formes, qu'on appelle mushroom et butterfly, mais oui, il y en a qu'une. C'est un type de Ok. maïs qui a justement une enveloppe très dure et qui ne se fissure pas et donc qui explose au bout d'un moment. Ok, donc le pop-corn est totalement exceptionnel, c'est un véritable miracle finalement. On a un bol inouï que ça existe, il aurait suffi de pas grand-chose à l'échelle de l'évolution pour que le pop-corn n'existe pas. Je m'étais jamais rendu compte, hein, que c'était une denrée rare comme ça. Bah écoute, ouais, s'il y a effectivement qu'une variété de maïs qui peut éclater, on a de la chance, effectivement. Donc voilà, tout ce blanc qu'on voit, en fait, c'est l'amidon qui a explosé L'amidon qui a et qui a un peu explosé, qui s'est fondu refroidi. aussi. Les granules sont fondues entre elles. Bah, c'est épatant, écoute. Merci d'avoir traité ça. Merci à Valérie d'avoir posé la question. Ouais, je vais essayer de revenir. On a une liste, on maintient une liste de questions que nous envoient les poditeurs. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'était pas tellement revenu dessus, il me semble. Ouais, c'est vrai. Mais on va essayer d'y revenir un peu plus là. Ouais, avant que la liste s'allonge trop. Alors, pour continuer, Alan, toi, tu nous as préparé un tout beau dossier, je crois, aujourd'hui, non? Ouais, écoute, moi je m'étais juré de parler d'un truc bien terre à terre après ton gros dossier de la semaine dernière sur la matière noire. Et puis je sais pas, j'ai ressenti comme un appel comme ça pour parler de la radiation. Alors j'ai pondu un dossier que j'ai intitulé La radiation pour les nuls. Bon, parmi les préoccupations, voire les obsessions qui taraudent les humains depuis quelques dizaines d'années, les radiations arrivent souvent en pôle position. C'est invisible, c'est parfois dangereux, on ne sait pas très bien ce que ça fait, ni pourquoi ça le fait, ni comment. Ça fait globalement peur, quoi. Du micro-ondes au Wi-Fi, des radiations cosmiques à Fukushima. On va essayer de distinguer un petit peu les différents types de radiations, de voir ce qui est véritablement dangereux et pourquoi et comment on peut s'en protéger. Et si j'ai intitulé mon dossier La radiation pour les nuls, n'en prenez pas offense, cher poditeur, c'est avant tout à moi que ça s'adresse. En toute honnêteté, j'ai eu pas mal de peine à préparer ce dossier, tant mes connaissances de base en physique et en chimie sont proches de l'ignorance totale. Mais en même temps, voilà, j'avais envie de comprendre, je voulais comprendre de quoi il s'agit, puis éviter, si possible, de raconter n'importe quoi. Donc ce dossier est en principe garanti à la portée de tous, et particulièrement de celles et ceux qui ont courbé leur cours de chimie et de physique à l'école. Je ne sais pas si ça se dit en français courbé, d'ailleurs, ça doit être une expression suisse, non? C'est sécher, ceux qui ont Peut-être, ouais, séché leur cours de chimie. Ouais. peut-être. Donc, comme d'habitude, on va commencer par quelques définitions. D'abord, il faut savoir qu'en français, on dit en principe pas radiation, mais on dit rayonnement. Ceci dit, les deux termes sont acceptés. Voilà ce que nous raconte Wikipédia sur le rayonnement. Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse. Voilà, c'est de la transmission d'énergie. C'est tout. Fin du dossier. Merci. Au revoir. Voilà. Voilà, c'était vite fait. Non, s'il s'agit simplement de transmission d'énergie, pourquoi est-ce que ça fait si peur? Bah, parce que dans certains cas, c'est effectivement très dangereux. Donc il y a deux grandes catégories de radiation ou de rayonnement. Il y a les radiations ionisantes et les radiations non ionisantes. J'ai l'impression d'être dans un de tes dossiers là. Ouais, ça me rappelle deux, trois choses. Donc voilà, c'est là que tout se joue. Mais que signifie exactement ionisant ou non ionisant? Bon, on va reprendre un petit peu les fondamentaux. Tout est fait d'atomes. On descend bas là. Hein? Non, c'est vraiment les fondamentaux. En tout cas, la matière que nous connaissons, je ne parle pas de, voilà, de la matière que tu évoques de temps en temps dans tes dossiers, la matière que nous connaissons est faite d'atomes. Le micro dans lequel je parle en ce moment est fait d'atomes. Je suis fait d'atomes, tu es fait d'atomes, l'air que nous respirons est fait d'atomes. Bref, pour le moment, on va surtout retenir que notre ADN est fait d'atomes. C'est important, on va le voir tout de suite. Et les atomes, on le sait, sont eux-mêmes composés d'un noyau constitué de protons chargés positivement et de neutrons neutres. Et autour de ce noyau gravitent les électrons qui, eux, sont chargés négativement. On ne va pas entrer dans plus de détails à ce stade, on va juste noter que c'est précisément de ces notions-là qu'on parle avec les adjectifs atomiques, donc relatifs à l'atome, et nucléaire, relatif au noyau de l'atome, noyau, nucleus en latin. Donc, on en revient à nos différents types de radiation. Une radiation ionisante, c'est un rayonnement si puissant qu'il arrache les électrons à l'orbite de leur atome. Et une radiation non ionisante, ben c'est un simple rayonnement électromagnétique qui ne transporte pas assez d'énergie pour ioniser les atomes ou les molécules, et donc ils laissent leurs électrons tranquilles. Ça ne veut pas dire que les radiations non ionisantes sont totalement inoffensives pour la santé ou l'environnement, elles peuvent avoir un impact, mais alors ce n'est pas du tout le même ordre de magnitude. Donc voilà, on va commencer par une petite parenthèse sur les rayonnements non ionisants et leurs impacts, justement, comme ça sera fait, avant de nous attaquer à la partie plus coriace des rayonnements ionisants qui, eux, sont bien plus costauds. Le panorama des rayonnements non ionisants, donc, on le rappelle, je vais me répéter un peu, mais il faut que ça entre, c'est une notion un peu compliquée. Les rayonnements non ionisants, c'est ceux qui ne shootent pas les électrons au passage, donc ils laissent les atomes intacts. Le panorama de ces rayonnements est assez large, puisqu'il va de ce qu'on appelle les champs statiques, donc les gros aimants, jusqu'à certains UV, en passant notamment par les fréquences radio, donc ce qui permet de capter la radio, la télé, la CB, les téléphones mobiles, en passant par les micro-ondes, c'est-à-dire non seulement les fours à micro-ondes, mais également le Wi-Fi, le Bluetooth, le radar, en passant par les infrarouges également, c'est-à-dire les lasers ou bêtement les télécommandes qu'on utilise dans son salon, et puis la lumière visible tout à l'autre bout du spectre. Les effets que ces rayonnements peuvent causer à l'organisme en cas de surexposition sont en général de l'ordre du réchauffement, voire de la brûlure, notamment avec les lasers, qu'ils soient dans l'infrarouge ou dans la lumière visible. La dose à laquelle l'exposition est dangereuse est sujette à controverse, mais ça, je pense qu'on reviendra dessus dans un prochain numéro. On n'a pas la place, on n'a pas le temps ici, et c'est compliqué. Tout le monde a une opinion différente. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour le moment, C'est ce qu'on c'est que. appelle l'électrosmog. Exactement, Ouais. ouais. Ce qu'on va retenir pour le moment, c'est que globalement, tant qu'on est en dessous du seuil de la brûlure, on considère que ces rayonnements sont relativement inoffensifs pour l'homme. On mettra dans le dossier une petite illustration, on voit un peu la gamme des différents rayonnements et puis leur impact des non ionisants aux ionisants. Alors maintenant, on va parler des rayonnements ionisants. Alors là, on est dans du business sérieux. En tout cas pour les organismes vivants. Donc notre ADN, comme tout le reste de la matière, est à la base constitué d'atomes et donc d'électrons aussi. Et les rayonnements ionisants ramassent les électrons au passage et donc endommagent très sérieusement l'ADN, ce qui provoque des mutations et des cancers. Et ces rayonnements ionisants sont émis par des sources radioactives. Alors là, c'est un dossier tout en parenthèse aujourd'hui. On va ouvrir une nouvelle parenthèse. On va faire un petit détour par la notion même de radioactivité pour y voir un peu plus clair. Dans la nature, la plupart des isotopes sont stables. Si vous avez oublié ce qu'est un isotope, on va faire court, on va dire que c'est simplement un atome qui a quelques neutrons de trop. Il y a un équilibre à respecter au sein du noyau de l'atome pour que celui-ci soit stable. En fait, le ratio entre protons et neutrons doit respecter un nombre magique. Alors, évidemment, on ne va pas développer ça maintenant. De toute façon, ça c'est clairement un sujet pour toi, Mathieu, les nombres magiques qui concernent les noyaux de l'atome. C'est pas le numéro atomique? Non, non, non, c'est encore autre chose. Non, ça c'est un ratio en fait qui permet qui permet à l'atome de trouver l'équilibre. D'accord. Et quand cet équilibre est bouleversé, ben, l'isotope est instable ou radioactif. C'est synonyme en fait. Et l'atome essaie de retrouver un équilibre en libérant, essaie entre guillemets évidemment, de retrouver un équilibre en libérant de l'énergie jusqu'à se retrouver dans la case stable la plus proche du tableau périodique des éléments. C'est ainsi que l'uranium-238, par exemple, finit par se transformer en plomb-206. Donc c'est ça le numéro atomique, hein. C'est le petit numéro qu'on met à côté du mot. Et puis il passe pour cela par toutes sortes d'états intermédiaires instables. On a l'exemple, tu en avais parlé aussi, du carbone 14 qui finit par se transformer en nitrogène 14 qui est plus stable, enfin qui est stable quoi. Et cette énergie que l'atome radioactif libère pour retrouver sa stabilité, bah, c'est ce qu'on appelle un rayonnement ionisant. Voilà. Donc on connaît plusieurs types de rayonnement ionisant. Il y a les rayons alpha, les rayons bêta, les neutrons, les rayons X et les rayons gamma. On va les prendre dans l'ordre et puis encore, on ne va pas tous les prendre. On va commencer par le rayonnement alpha. Donc, dans ce type de rayonnement, les noyaux radioactifs éjectent ce qu'on appelle des particules alpha. Des particules alpha, c'est des particules lourdes chargées positivement. C'est des paquets composés de deux protons et de deux neutrons. Donc, c'est des bouts de noyaux. En fait, c'est exactement l'équivalent de noyaux d'hélium. L'atome perd 2 en nombre et 4 en masse. Le nombre. Ouais, non, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je sens que je vais me mélanger les pinceaux. Enfin, le numéro atomique dépend du nombre de protons dans son noyau, sauf erreur, la masse atomique, c'est l'addition des protons et des neutrons. Bon, c'est un mécanisme qui se produit à très grande vitesse. Les particules alpha sont émises à une vitesse avoisinant les 20 000 km/s et sur une très courte distance. Donc une simple feuille de papier ou juste 4 à 5 cm d'air arrête totalement les rayons alpha. Donc on dit que la pénétration du rayonnement alpha est faible. Ensuite, on a les rayons Est-ce que bêta. tu sais quel un exemple de rayon alpha dans, je sais pas, dans la nature ou dans un appareil? Comme ça, non, j'ai quelques exemples d'émissions, enfin quelques exemples de radioactivité. En général, les différents types de rayonnement sont impliqués dans des émissions radioactives. On a à la fois de Ah, l'alpha, du d'accord, bêta, du ouais, gamma. ok. Alors, je ne sais pas s'il y a certains isotopes qui dégagent exclusivement des rayonnements alpha, sans doute, mais je n'ai pas poussé jusque-là. D'accord. Donc après, dans la liste, on a les rayonnements bêta. Alors dans ce type-ci de rayonnement, les noyaux instables éjectent des particules légères et chargées négativement. Donc c'est des électrons en fait qui sont balancés. La vitesse ici est proche de celle de la lumière, donc c'est encore beaucoup plus rapide. Et le parcours de ces électrons dans la matière est plus important que celui des particules alpha. On parle de l'ordre de quelques mètres au maximum dans l'air. Les émissions bêta traversent sans problème une feuille de papier. On a dit qu'une feuille de papier suffisait à arrêter les rayons alpha, ça ne suffit pas à arrêter les rayons bêta. Là, il faut au minimum une feuille d'aluminium pour les arrêter. Alors la pénétration est dite moyenne. Et puis après, au-dessus de la mêlée, on a le rayonnement gamma. Peut-être Alors, juste pour revenir sur la radiation bêta, j'avais dit justement la semaine passée dans le dossier sur la matière noire que y a aussi un neutrino qui est émis avec l'électron, parce qu'il n'y a pas toute l'énergie de l'électron. On avait détecté dans certains cas, il manquait de l'énergie à l'électron. Donc il y a l'électron et aussi un neutrino qui est émis. Mais le neutrino, il interagit faiblement avec la matière, donc je pense qu'il est. il n'est pas vraiment dangereux, je crois. D'ailleurs, on est bombardé Ouais, en on va. permanence de neutrinos. Exactement, on se fait traverser par des Ouais. neutrinos à tour de bras. Bon, et puis là, je n'ai pas poussé le détail, mais les rayonnements bêta, il y en a plusieurs types. Ah, d'accord, ouais. Il y a les rayons bêta négatifs, ou bêta moins, je ne sais pas comment ça se prononce en fait, qui balancent des électrons, puis il y a des bêta plus qui balancent des positrons. Mais voilà, Ouais, non, on va pas on est s'aventurer là-dedans. dans un environnement fait de matière en général, c'est plutôt des rayonnements bêta. Ouais. Voilà, et puis au sommet de la courbe, il y a les rayonnements gamma. Alors eux sont beaucoup plus pénétrants que les rayonnements alpha et bêta, mais ils sont un peu moins ionisants. Ici, le noyau instable émet un photon très énergétique et très pénétrant pour atteindre un état d'énergie stable. Et il faut environ, alors là on ne parle plus de papier ou de feuille d'aluminium, il faut 1 à 5 cm de plomb pour l'absorber, et encore, on n'arrive jamais à absorber totalement un rayon gamma, il y en a toujours un petit peu qui passe. Il n'y a pas de différence entre les rayons gamma et les rayons X utilisés en radiographie, si ce n'est leur origine. En général, l'émission de rayons gamma suit une désintégration alpha ou bêta, car elle correspond à un réarrangement des nucléons, c'est-à-dire les particules du noyau. C'est comme ça qu'on appelle. C'est le nom de famille des protons et des neutrons, si tu veux. Et puis, ben, notamment, à une réorganisation de la charge électrique à l'intérieur du nouveau noyau. Et donc, on le disait tout à l'heure, en général, un noyau radioactif émet simultanément les trois types de rayonnement. Donc voilà, le décor est posé, on sait ce que c'est que la radiation. Alors, comment est-ce qu'on mesure ces types de radiation? Si vous pensiez, cher auditeur, que ça ne pouvait pas se gâter davantage, détrompez-vous, c'est ici que ça se corse. On utilise communément au moins trois unités différentes pour mesurer les radiations, et puis il s'agit de pas les mélanger. Donc il y a deux types d'échelles, les échelles objectives et les échelles subjectives. On va commencer par les objectives. L'activité d'une source radioactive se mesure en becquerel. Cette unité correspond au nombre de désintégrations par seconde, et puis le nom a été donné en hommage à Henri Becquerel. Pour corser un petit peu la chose, on utilise quelquefois en biologie, par exemple, le nombre de désintégrations par minute à la place du nombre de désintégrations par seconde. Alors ça donne lieu évidemment à toutes sortes de conversions. Après, je vais passer rapidement sur les suivantes. Je pense que c'est des choses qu'on n'a pas vraiment besoin de retenir, mais voilà, c'est intéressant de les entendre une fois. On a l'activité massique ou volumique, qui est plus souvent utilisée que les becquerels, qui correspond à l'activité rapportée à la masse ou au volume de l'échantillon mesuré. Je vous passe les formules. On a le curie qui était utilisé autrefois, qui se définit comme l'activité d'un gramme de radium, soit 37 fois 10 puissance 9 désintégrations par seconde. On a le coulomb par kilogramme qui peut être utilisé également, qui mesure l'exposition au rayonnement X et gamma. Voilà, on va pas s'attarder. On a le radon également, c'est l'énergie alpha potentielle volumique qui peut être mesurée en joules par mètre cube. Et si vous êtes perdu, bah c'est normal. Et c'est pas fini. On a dit que ça c'était les mesures objectives, c'est-à-dire découlant des observations des rayonnements eux-mêmes. Mais on a également des mesures subjectives qui mesurent l'impact des rayonnements sur les sujets. Donc ce sont des grandeurs qui sont non mesurables directement, elles sont estimées à partir de mesures et de coefficients de pondération définis par la Commission internationale de protection radiologique, la CIPR. Donc d'abord on a le gray, qui est abrégé GY. C'est la dose absorbée, soit l'énergie reçue par unité de masse de la cible. Là aussi, c'est en joules par kilogramme, mais enfin, on s'en fiche un peu. Puis après, on a le sievert, dont on entend beaucoup, beaucoup parler ces temps. C'est l'unité du système international qui pondère les rayonnements pour tenir compte de leur nocivité respective. Donc, en gros, on dira que le sievert, c'est le gray appliqué à l'homme. Je vais redécortiquer un peu tout ça, hein, parce que ça fait beaucoup, beaucoup à la fois. On va juste noter encore qu'on a la notion de dose efficace qui rend compte du risque d'apparition de cancer en fonction des rayonnements. Et puis là, l'unité utilisée est égale à 1. Donc, je propose qu'on retienne trois unités de mesure, le becquerel, le gray et le sievert. Donc, le becquerel, pour rappel, il mesure le niveau de radioactivité et donne une idée de la dangerosité du produit. Becquerel égale intensité, pour faire simple. Le gray mesure l'irradiation, c'est-à-dire l'impact sur la chose ou l'animal ou la plante ou la personne qui reçoit l'irradiation. Et puis le sievert, c'est un grès qui est pondéré en fonction de la nature de celui qui reçoit cette information. Donc ça permet qui reçoit la radiation. Ça permet d'évaluer les effets biologiques des rayonnements sur l'homme, notamment en fonction du type de rayonnement. Donc le sievert, il mesure les dégâts en fonction du type d'organisme impacté. On a dit que chez l'homme, un grès égale un sievert, mais ce n'est pas vrai pour toutes les espèces du vivant. Par exemple, chez les virus, les bactéries, les protozoaires, qui sont beaucoup moins sensibles à la radioactivité, ben, un grès est équivalent à moins de 0,03 sievert. Chez les insectes, qui sont également plus résistants, un grès vaut au maximum 0,1 sievert. Chez les plantes, c'est plus variable. Alors, chez certaines plantes, c'est au-dessous, à 0,02 sievert, et puis chez d'autres, c'est au-dessus. Donc, elles sont deux fois plus sensibles que l'homme à l'impact des radiations. On arrive à 2 sievert. Les oiseaux sont moins sensibles que nous également. On est entre 0,15 et 0,6. Donc, pour bien comprendre quelle unité sert à quoi, je vous invite à consulter un excellent dessin publié sur le blog Seul dans le Cosmos, dans un excellent article intitulé La radioactivité pour les nuls. Je m'en suis un petit peu inspiré pour le titre de ce dossier-ci. Donc, très schématiquement, nous explique ce blog, il est possible de mieux symboliser la relation entre ces trois unités avec l'image suivante. Si on prend un enfant qui lance des balles en direction d'un camarade. Le nombre de balles envoyées par seconde peut se comparer au nombre de particules de rayonnement émises par une source radioactive, donc des becquerels. Le nombre de balles reçues par le camarade, c'est les grès. Et le nombre de marques laissées sur le corps du camarade, c'est les sieverts. Ah, Voilà, je c'est trouve que cette image est assez parlante. très parlant, ouais. Ouais. Faut reconnaître que c'est quand même le boxon. On lit des articles sur la radioactivité, des fois c'est en becquerel, d'autres fois c'est en grès, parfois c'est en sievert. Je pense que ça valait la peine d'approfondir un tout petit peu. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus clair maintenant. Pour les auditeurs, peut-être qu'il faudra réécouter. Je ne suis pas convaincu d'avoir réussi à expliquer ça de manière aussi claire que j'ai fini par la comprendre. Non, mais l'image des Mais balles est très elle est parlante. pas mal, hein. Ouais, ça, c'est de la super vulgarisation. Et puis bon, si jamais, comme plan de secours, on a encore la dose équivalente en banane, ça c'est pas mal, je trouve très pratique. C'est l'unité la plus fabuleuse que j'ai trouvée en menant l'enquête. C'est une unité informelle qui est parfois évoquée par les partisans de l'énergie nucléaire pour relativiser le danger des rayonnements ionisants en les comparant à ce qui est généré par une simple banane. Donc de nombreux produits alimentaires présentent une radioactivité naturelle. Et en particulier les bananes, du fait de la présence de potassium 40 qu'elles contiennent, à raison de pas grand-chose, hein, c'est 0,017% du total. Mais quand même, la dose équivalente en banane est donc la dose à laquelle on s'expose en mangeant une banane. J'ai même lu, il y a le lien dans le dossier, que les bananes sont suffisamment radioactives pour être repérées par les détecteurs utilisés dans les ports américains qui traquent la contrebande de matériel nucléaire. C'est plutôt rigolo. C'est vrai, ça. Ouais, écoute, c'était sur Wikipédia, c'est Ouais. documenté, il y a une source, une référence. J'ai pas eu le temps de cliquer derrière, voir si c'est sérieux. Bon, en général, les références Wikipédia sont pas mal. Ouais. Mais ça vaut la peine d'être vérifié. Et puis bon, avant de refermer cette petite parenthèse, on va quand même préciser que pratiquement tous les aliments sont naturellement radioactifs et que cette radioactivité vient pas de la pollution ou d'une contamination. Les noix du Brésil, par exemple, contiennent beaucoup de potassium, comme les bananes, et donc du potassium 40. C'est pas du tout dangereux pour la santé. On est tout à fait équipé pour assimiler ces doses. Et les autres végétaux qui ont une radioactivité au-dessus de la moyenne, bah, c'est les pommes de terre. C'est les haricots rouges, les noix, les graines de tournesol. Tu avais parlé des pipasses récemment, non? Ouais, C'était. et Ouais. c'était dans les figures de Fibonacci, dans la suite de Voilà, Fibonacci. c'est ça. Ouais. Rien à Bah, tu vois, voir. on retombe toujours sur les graines de tournesol, quoi qu'on fasse. Et les noix du Brésil, entre parenthèses, sont 4 fois plus radioactives que les bananes à cause de leur combinaison de potassium 40 et de radium 226. Et toute source alimentaire confondue, l'exposition à la bouffe représente environ 10% du fond radioactif auquel nous sommes exposés en permanence. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. On imagine toujours des sources très dangereuses de radioactivité. Bah, ouais, bien, il y en a bien sûr, mais pas seulement, quoi. Ça fait vraiment partie du paysage. Alors voilà, si on revient un peu aux irradiations et à l'impact biologique des rayonnements, donc des trois unités qu'on vient de voir, celle qui nous intéresse pour déterminer les seuils de ce qu'on peut encaisser, bah, c'est la dernière, le sievert. Enfin, même là, on s'est arrangé pour complexifier un peu la donne. Quand on parle en sievert, c'est déjà trop tard. Avec un sievert, c'est beaucoup. Ça cause des gros dégâts. On est déjà très malade. Avec 5 sieverts, une personne sur deux meurt. Et du coup, on parle plutôt de micro-sievert, donc un millième de sievert, et de non, pardon, de millisievert, c'est un millième de sievert, ou de microsievert, c'est un millionième de sievert. Alors, on va rester entre deux. On va s'en tenir au millisievert comme unité pour y comprendre quelque chose. Quelques exemples d'exposition. Une radiographie dentaire, par exemple, ça correspond à 0,005 millisievert, donc pas grand-chose. Donc là, c'est quelques exemples de doses uniques. La dose moyenne reçue par les gens qui habitaient dans un rayon de 16 km de l'accident de la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie, donc c'est une centrale nucléaire dont l'un des réacteurs avait fondu en 1979, 79, bah les gens qui vivaient dans un rayon de 16 km se sont pris 0,08 millisievert au moment de l'accident. Une mammographie, c'est beaucoup plus, par exemple. C'est ça qui est très surprenant dans ces choses-là. C'est 3 millisieverts. Alors, bon, j'ouvre ici une parenthèse, une énième parenthèse. Je vais couvrir des parenthèses, mais pour rappeler quand même que les médecins savent ce qu'ils font. Si on vous prescrit une mammographie, c'est en connaissance de cause. C'est parce que les bénéfices potentiels pour la santé sont largement supérieurs au risque, évidemment. Et c'est vrai pour toutes les techniques médicales que je vais lister ici. Un scan du cerveau, c'est entre 0,8 et 5 millisieverts. Un scan des poumons, c'est entre 6 et 18 millisieverts. Un lavement baryté, c'est un examen du côlon au rayon X, c'est à peu près 14 millisieverts. Donc on est toujours dans des millisieverts, hein. Quelques exemples de doses horaires. La dose individuelle moyenne due au fond de radioactivité permanente est d'environ 0,23 microsieverts par heure. Donc ça fait 0,00023 millisieverts par heure. C'est marrant parce qu'elle varie un peu en fonction des lieux. C'est 0,17 microsieverts en Australie, c'est 0,34 microsieverts aux États-Unis en moyenne. Et puis bon, ce fond de radioactivité permanente est présent partout sur la Terre à des intensités variables et à des causes aussi bien naturelles qu'artificielles. Donc il y a les rayons cosmiques qui entrent en ligne de compte. Il y a le gaz radon libéré par la croûte terrestre également qui émet de la radioactivité. Et puis environ 3% du total de ces rayonnements sont créés par l'homme. C'est des éclairages phosphorescents, c'est des traces de contamination par des tests nucléaires, par des accidents nucléaires. Ou les émissions encore dues aux appareils de médecine nucléaire. À titre de comparaison, la dose la plus élevée mesurée pendant l'accident de Fukushima, à ce jour, je pense que ça peut encore changer, était de 1000 millisieverts par heure, soit 1 sievert par heure au niveau de l'un des bassins d'eau de la chambre à turbine du réacteur numéro 2. Donc voilà pour les exemples de doses horaires, et puis les exemples de doses annuelles. La dose maximale tolérable pour les occupants d'une construction humaine, c'est-à-dire un bâtiment, quoi, parce que là aussi les matériaux sont radioactifs, les briques émettent de la radioactivité, pas beaucoup, mais un petit peu. Là, on parle de 1 millisievert par année. Donc ça, c'est la dose normale à laquelle on peut s'attendre quand on vit dans une construction humaine. Enfin, je dis construction humaine, je suppose que dans une grotte en granit, c'est la même chose, c'est peut-être pire. La dose reçue quand on vit près d'une centrale nucléaire, elle est de maximum 0,01 millisievert par année. Quand on vit près d'une centrale à charbon, elle est de 0,0003, pardon, non, il y avait 3 zéros après la virgule, millisievert par année. La dose, ça c'est intéressant, reçue en dormant à côté d'un être humain pendant 8 heures chaque nuit, bah, ça représente 0,02 millisievert par année. Donc voilà, votre partenaire, votre conjointe ou nous irradie conjoint vous irradie durant la plus nuit. que la proximité d'une centrale nucléaire. Je trouve ça plutôt rigolo. La dose reçue des rayonnements cosmiques au niveau de la mer est de 0,24 millisieverts par année. La dose du rayonnement terrestre au niveau du sol de 0,28 millisieverts par année. Le rayonnement naturel du corps humain est de 0,40 millisieverts par année. Donc on est plus radioactif que les rayons cosmiques reçus au niveau de la mer. La dose, en se tenant devant le Capitole des États-Unis à Washington, qui est un bâtiment tout en granit, justement, serait de 0,85 millisieverts par année, si on se tient debout devant pendant toute une année, évidemment. Le personnel des vols New York-Tokyo, là, c'est à cause de l'altitude. Plus on monte et moins l'atmosphère nous protège et plus on est proche des rayons cosmiques. Donc, eux, ils se prennent 9 millisieverts sur l'année. La dose qu'on se prend en fumant 30 cigarettes par jour se trouve entre 13 et 60 millisieverts par année. Donc, mieux vaut aller de New York à Tokyo de temps en temps que de fumer un paquet et demi par jour, clairement. La dose limite moyenne pour les employés du secteur nucléaire est de 20 millisieverts par année, et puis la dose limite pour les ouvriers pendant la catastrophe de Fukushima était de 250 millisieverts par année. Donc voilà, ça donne un peu des ordres de grandeur. Je trouve les proportions intéressantes. Ça m'a un peu surpris. Voilà, on retiendra en tout cas que les rayonnements sont partout, qu'on se les prend dans la figure en permanence, et que c'est à des degrés très variables en fonction de leurs sources. Alors, Mais oui. en fait, tu avais dit un peu avant que un sievert, c'était déjà très dangereux pour l'homme, c'est Ouais, juste. c'est ça. Et là, tu nous as donné tout un certain nombre de doses annuelles supportables. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est sur la durée. Finalement, c'est sur la durée que ça fait son effet. Parce que si je reçois un sievert durant une seconde, par exemple. Ce sera pas aussi dangereux que si je suis bombardé durant une année à petite dose et qu'à la fin de l'année ça fait un sievert ou bien. Je me pose la question en fait, tu vois ce que je veux dire? Si en accumulant sur la longueur, sur le temps, les doses pour arriver à un sievert ou si on reçoit un sievert d'un coup, si c'est la même chose ou pas au niveau des dommages que ça peut causer. Je crois que c'est au niveau du temps qu'il faut au corps pour se retaper. En fait, j'ai pas la réponse précise. Je sais que je suis tombé dessus en préparant le dossier, mais j'ai pas retenu la réponse. Mais effectivement, c'est important la notion de durée. Quand on parle de seuil annuel, on peut effectivement se prendre tout d'un coup, mais alors après, il faudra se protéger des rayons pour le reste de l'année. Je crois que le résultat est à peu près équivalent que si on se le prend à petite dose et qu'on accumule, qu'on arrive à un sievert sur la fin de l'année. Non, Mais bah, je je suis pense à pas ces sûr que ce soit bon. ouvriers des centres, enfin ces gens qui ont été dans les centrales nucléaires comme Fukushima, qui se reçoivent peut-être en quelques minutes ou un temps vraiment très court une grosse dose. Et si c'est aussi mauvais pour la santé que recevoir cette même grosse dose, mais accumulée sur une année, tu vois. Mais en termes de récupération par le corps humain, je crois que c'est à peu près la même chose. Donc, du coup, on s'arrangera pour ne plus exposer ces personnes-là aux radiations pendant une année. Je sais pas comment on s'organise derrière. Mais ils Donc, dormiront faudra. tout seuls dans leur lit, Ouais, sous ça un doit être ça, exactement. bunker. Pas en granit, si possible. Pas trop près de la croûte terrestre et pas trop près. Du rayonnement cosmique. Ah, compliqué quand même, hein, d'y échapper. Donc, qu'est-ce que ça nous fait en fait? Quels sont les symptômes d'une exposition à ces rayonnements? Bah, entre 0 et 0,25 sieverts, aucun symptôme. Rien du tout, on n'arrive pas à détecter quoi que ce soit. Entre 0,25 et 1 sievert, ça provoque des nausées chez certaines personnes, de la perte d'appétit, et puis des dégâts peuvent être causés à la moelle osseuse, aux ganglions lymphatiques, à la rate. Entre 1 et 3 sievert, c'est une nausée légère à sévère, qui est observée là par tout le monde, perte d'appétit systématique, des infections. Des dégâts plus sévères à la moelle osseuse, aux ganglions, à la rate, la récupération est probable, mais elle est déjà plus garantie. Entre 3 et 6 sievert, la nausée est très sévère. On a également des pertes d'appétit, mais en plus, on a des hémorragies, des infections, de la diarrhée, la peau pèle, on observe la stérilité et puis la mort quasi certaine en l'absence de traitement. Entre 6 et 10 sieverts, c'est les mêmes symptômes, plus des atteintes au système nerveux central. La mort est prévisible. Et au-dessus de 10 sieverts, c'est la paralysie et la mort. Voilà. Donc, pas très réjouissant tout ça. Sur les modes de contamination, on ne va pas entrer dans tous les détails dans ce dossier, primo, parce que je n'ai pas eu le temps de préparer. Je ne me rendais vraiment pas compte de l'ampleur de la tâche avant de m'attaquer à ce sujet. J'aurais peut-être dû prévoir de le couper en deux ou en trois. Et puis, secundo, parce que le dossier est déjà bien long, qu'on va éviter des indigestions. Donc, on va simplement dire qu'il y a plusieurs modes de contamination radioactive. C'est soit par l'exposition directe au rayonnement alpha, bêta ou gamma, soit via la chaîne alimentaire. Donc, des substances radioactives, notamment de l'iode 131, sont déversées dans l'eau, absorbées par le plancton, qui lui-même est avalé en grande quantité par des poissons, qui eux-mêmes sont avalés en plus grande quantité encore par l'homme, etc. Idem sur la terre ferme, c'est d'ailleurs ce qui a provoqué autant de cancers de la thyroïde en Ukraine après Tchernobyl. Les vaches ont mangé de l'herbe contaminée, la radioactivité s'est retrouvée dans le lait s'est retrouvé dans les biberons, et le taux de cancer chez les jeunes enfants a pris l'ascenseur. À Fukushima, ça ne se passe pas exactement de la même manière, parce qu'il y a quand même certains enseignements qui ont pu être tirés de la catastrophe de Tchernobyl. Alors, si on parle justement un petit peu d'iode 131, on en parle beaucoup dans les médias ces temps, et puis je viens d'y faire référence dans le dossier. Bon, on va s'arrêter 2 minutes dessus. L'iode 131, c'est de l'iode, c'est un isotope de l'iode tout à fait ordinaire, mais qui est particulièrement instable parce qu'il contient 78 neutrons, 78 au lieu de 74, 74. Et évidemment, il fait tout ce qu'il peut pour retrouver son équilibre. L'iode 131, c'est un des produits de fission de l'uranium et ça constitue un risque important de contamination environnementale en cas d'explosion nucléaire ou d'accident nucléaire. Et en raison du rayonnement bêta émis lors de sa désintégration, l'iode 131 provoque des mutations génétiques dans les cellules où il pénètre, ainsi que dans les cellules voisines. Mutations graves qui peuvent entraîner la mort de ces cellules. C'est intéressant d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle une dose élevée d'iode 131 peut s'avérer paradoxalement moins dangereuse qu'une dose plus faible. Parce que à haute dose, les cellules irradiées sont tuées purement et simplement, alors qu'à faible dose, elles peuvent survivre en étant dégradées et servir de germe à un cancer. Que dire encore? C'est surtout la glande thyroïde qui accumule l'iode, qu'il soit radioactif ou pas, d'où la proportion importante de cancers de la thyroïde chez les personnes exposées, particulièrement les enfants. La parade est pourtant extrêmement simple, mais on n'y avait pas pensé à l'époque de Tchernobyl, alors que ça a été fait à Fukushima. La thyroïde peut absorber qu'une certaine quantité finie d'iode, et une fois saturée, elle n'absorbe plus rien. Donc il suffit de gaver sa thyroïde en iode stable pour empêcher l'iode radioactif de s'infiltrer. C'est pour ça qu'on distribue des pastilles ou des tablettes d'iode dans les environs de Fukushima. Ouais. Voilà, Bon, voilà. il y a aussi d'autres effets nocifs à part la thyroïde, j'imagine. C'est... Non. Enfin, la thyroïde, c'est peut-être un des plus gros problèmes qui peut se passer lors d'une radioactivité, Ouais, mais... c'est le plus gros problème, c'est le plus gros problème qu'il y a eu Ouais. sur le site de Tchernobyl, et c'est le plus grand danger potentiel à Fukushima. Alors évidemment, il y a toutes sortes d'autres problèmes, mais enfin ça, c'est le problème numéro un. Ouais. Ah voilà, bon, je ne vais pas clore ce dossier sans dire au moins un mot positif des radiations. C'est l'utilisation des rayonnements en médecine humaine, donc je ne vais pas en dire grand-chose, là aussi, faute de temps, mais juste au moins signaler deux champs d'application des radiations. Il y a la médecine nucléaire, d'abord, qui est l'évolution hyper high-tech des radiographies, qui permet aujourd'hui une imagerie haute définition de n'importe quelle partie du corps et qui permet des diagnostics dont on n'osait même pas rêver il y a quelques années. Et puis la radiothérapie, qui utilise des rayonnements ionisants à très haute dose. Là, on parle de 50 à 60 sieverts, mais de manière extrêmement ciblée, pour laisser le moins possible de chances de survie aux cellules cancéreuses. C'est comme ça que ça marche, c'est le principe de la radiothérapie. Bon, il y aurait évidemment de quoi faire un dossier, de consacrer un dossier rien qu'à cette question-là spécifiquement, et à plein d'autres d'ailleurs qui ont juste été effleurés, à peine survolés dans ce dossier. Et puis on le fera peut-être, enfin sûrement, on se connaît un jour. Juste pour conclure, un petit quiz, la résistance des cafards aux radiations, à ton avis, mythe fondé ou enfin réalité ou pas? Oula, tu me poses un piège. Moi, je dirais que oui, mais c'est pas les seuls, les cafards. Je pense qu'il y a d'autres animaux, insectes un peu du genre qui doivent aussi résister. Alors, il y a un épisode de l'émission de la TV australienne Mythbusters qui s'est livré à l'expérience. Ils ont exposé plusieurs types d'insectes à une source de cobalt 60 dans un laboratoire pour voir si les cafards étaient effectivement les seuls insectes qui survivraient à une explosion nucléaire, comme ce que prétend le mythe. Alors à 100 degrés, donc ce serait 100 sieverts pour nous, mais c'est vraisemblablement moins pour eux, à 100 degrés, 70% des cafards étaient morts après 30 jours, de même pour 40% des ténébrions meuniers exposés. Alors les ténébrions meuniers, c'est des coléoptères qui sont plus connus à l'état larvaire sous le nom de vers de farine. Et donc qui vivent très heureux dans la farine, pour autant qu'ils arrivent à pénétrer dans le bocal. À 1000 degrés, donc 10 fois plus, aucun cafard n'a survécu après 30 jours, alors que 10% des ténébrions de farine, si. Donc voilà, CQFD, le mythe est infondé. Les cafards ne sont pas les plus résistants De nouveau une légende urbaine. aux radiations. Exactement, encore une qui se casse la figure. Bon. Ben ouais, c'est vrai que. C'est vrai que moi j'ai un peu cette image dans les films, on voit après une catastrophe nucléaire, juste des petits cafards marcher dans la rue. Mais. Non, mais c'est vrai qu'ils sont composés de cellules comme nous, et il n'y a pas de raison que la radioactivité affecte uniquement les cellules de l'homme et pas celles du cafard ou d'autres animaux finalement. Mais moi, je me Absolument. suis toujours posé la question, quand on fait des radios, bah, c'est pas vraiment des radiographies, mais plutôt des scanners à l'hôpital. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire un ou deux scanners. Non. Bah, moi, j'ai eu l'occasion et ils font signer avant d'effectuer le scanner une sorte de décharge, comme quoi tu es conscient que tu vas être, entre guillemets, irradié à des doses. Tu sais pas très bien si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Donc, je me suis toujours posé la question jusqu'à quel point ces scanners sont dangereux si on les fait souvent ou pas. Ouais, bah tu vois, je savais pas qu'il te faisait signer une En tout cas, en décharge. Espagne, c'est comme ça. Alors, du moment que D'accord. s'ils font signer une décharge, c'est qu'il y a un potentiel danger et ils essaient de se protéger. Donc, bon, je sais pas. Bon, bah là, on l'a vu, hein, un scan du cerveau, c'est entre 0,8 et 5 millisieverts. Un scan des poumons, c'est entre 6 et 18 millisieverts. Simplement, je pense, parce que la zone exposée est plus grande. C'est voilà, en dessous de 0,25 sieverts, on n'a aucun symptôme. Aucun symptôme Ouais, mais avéré. ça, c'est une Après. dose annuelle, donc. Bien. Non, ça c'est pour des doses reçues dans la même journée. Dans la même journée. Les 0,25, ouais, 0,25 Ouais, d'accord, mais si tu sieverts. reçois 0,25 durant 6 mois, là, ça change la problématique. Ouais, sans doute. Mais bon, en principe, si tu fais un scan du cerveau ou des poumons ou de quelque chose, c'est qu'on. Ouais, c'est ponctuel, c'est clair. Alors, non seulement c'est ponctuel, et puis on soupçonne peut-être un problème qui, une fois diagnostiqué, pourra être traité. Tu vois, tout est dans le dosage. C'est un risque contre l'autre. J'imagine qu'être exposé effectivement à des rayonnements toute la journée serait certainement pas bon, mais je vois pas tellement qui pourrait être exposé à des scans du cerveau tous les jours. Non, on est d'accord. Tu Mais vois. je vais reprendre une quote que j'avais dit dans un épisode de Paracels. Tout est poison, rien n'est poisson, seule la dose fait le poison. Exactement. Voilà. Mais c'était dans un des tout premiers numéros, hein, Ouais, je sais plus dans lequel que c'était. c'était. Très bien. Bah écoute, ouais, c'est en tout cas, on est un peu plus clair avec toutes ces unités de mesure. C'est vrai que moi j'avais justement entendu, j'avais entendu l'autre jour quelqu'un qui expliquait aussi un peu ces différences dans ces unités de mesure. Parce qu'on tombe vite dans de la confusion entre les becquerels, les sieverts. Et le gré, bon, celui-là je connaissais pas par contre. Tu m'entends? Ouais, je Ah, t'entends, je d'accord. t'entends. Ouais, mais ça. Moi je repense toujours un peu sur le problème de la durée ou pas, quoi. Parce que c'est. Voilà, si on reçoit durant une seconde une irradiation forte, je me demande si c'est la même chose de recevoir la même quantité sur une année. S'il y a un effet de durée, c'est quand même plus nocif, j'ai Ouais, l'impression. sans doute. Écoute, ça va être mon devoir pour la semaine prochaine. Je vais approfondir un tout petit peu ce dossier pour pouvoir répondre à cette question-là de manière précise. Tu aurais ta raison. Je te pose une colle. Ouais, mais tu Non, fais mais bien. peut-être qu'un de nos auditeurs pourra nous répondre aussi. Ouais, sans doute. Je pense que. à peu près tous nos auditeurs doivent être un peu plus spécialisés que moi dans ce domaine-là. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui me suis lancé d'ailleurs. En tout cas, un Mais sujet oui, bien sûr. d'actualité, ça c'est sûr. Absolument, exactement. Je crois que ça m'énervait juste trop de ne pas comprendre ce qui se cachait derrière Et donc les la nouvelles. semaine prochaine, tu nous expliques comment fonctionne une centrale nucléaire, non? J'irai pas jusque-là. Mais par contre, ah tiens, j'ai pas pensé à en parler. Il s'agit d'un renvoi. Oui, voilà, j'étais en train de vérifier. J'arrive décidément pas à faire deux choses en même temps. J'étais en train de vérifier dans la liste des liens qui figurera dans le dossier s'il y était. Donc, c'est le blog Tu mourras moins bête. Tu sais, c'est ces dessins, ces BD dont nous avait parlé Antoine initialement. Ouais, j'en ai fait une C'est sur la juste radioactivité, là. absolument fabuleux, exactement. Il y en a une sur la radioactivité, sur l'instabilité des atomes qui font leur crise d'adolescence. Enfin, c'est juste génial, quoi. Et ça aide aussi pas mal à comprendre, je trouve. Ouais. D'ailleurs, c'est toi qui l'as tweeté, non? Ouais, je l'ai tweeté. Le lien est sur Twitter, sur Facebook. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Ouais, je l'ai vu aussi. C'est vrai que elle est drôle en plus parce qu'il y a le typique papa avec son enfant qui se rappelle absolument plus ses cours de physique et son enfant lui demande, enfin, en train de faire un dessin de centrale nucléaire, mais c'est absolument n'importe quoi. Il essaie de se rappeler comment ça fonctionne. Et ouais, c'est bien fait. C'est très Non, chouette, parce qu'il y a un petit super script, drôle et très efficace. y a une petite histoire en plus. Donc c'est pas seulement une explication de comment fonctionne la radioactivité. Vraiment, c'est inclus dans une petite histoire. Donc c'est drôle. Ouais, qui est à mourir de rire comme toujours, Ouais. quoi. C'est vraiment top. Donc on mettra le lien bien en évidence, il faut aller voir ça de toute urgence. Voilà, sinon t'as d'autres quotes que celle de Paracelse, ça? Alors, ben, j'ai vu que Topo nous en a envoyé tout plein. Ben, j'en ai pris une qui nous a envoyé, que j'ai trouvé bien. Alors, elle est en anglais, elle est de Carl Sagan. Donc, je pense que tout le monde a un peu entendu parler de ce vulgarisateur scientifique qui avait écrit. D'ailleurs, je crois que la quote est tirée du livre de Pale Blue Dot. Donc, je sais pas comment c'est traduit en français, ce point noir, ce point bleu pâle. Ou je sais pas exactement comment c'est traduit. Pardon, un ouvrage qu'il avait écrit où il parle d'un petit point bleu dans l'espace qui est la Terre et il essaie de nous remettre un peu dans le contexte de la grandeur de l'univers. Et donc la quote est la suivante: You never know where science will take you. Donc je te laisse Ouais, c'est traduire. top. On ne sait jamais où la science va nous emmener. Eh oui. Moi, je trouve c'est vrai, hein, c'est plein de mystères. Chaque année, on a des nouvelles découvertes qui nous emmènent dans une direction ou dans une autre. Si on avait dit il y a 100 ans, voilà, aux personnes qui vivaient il y a 100 ans, vous verrez en 2010 ou en 2011, il y aura des téléphones tactiles, il y aura la science, il y aura des centrales nucléaires même, il n'y en avait pas à l'époque. Personne ne pourrait croire toutes ces choses-là. Donc la science nous emmène vraiment dans des Non, c'est vrai, aventures c'est complètement merveilleuses. hallucinant. Ah, absolument. Et puis, ouais, ce qui est fou, c'est qu'une question en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et chaque fois qu'on croit obtenir des réponses et puis enfin comprendre les choses, ben non, il y a toujours un cran supplémentaire, on peut toujours aller plus loin dans la recherche. C'est vrai que c'est formidable. C'est une belle Ouais, histoire. c'est. Ouais, toute belle quote, en tout cas, tirée d'un tout beau livre. Il est dans mon top 10, celui-là, hein. Pale Blue Dot. Je recommande à tout Tu le l'as monde lu, mais de le lire si c'est pas encore fait. Ouais, ouais, non, moi j'ai pas lu. ouais. Ouais. Ah bah il faut le lire alors vite. J'ai entendu, vu la vidéo où on entend justement Carl Sagan. Je pense que ça doit être un passage du livre où il cite, ben voilà, que la planète Terre, c'est un petit point dans l'espace, et il remet tout ça dans son contexte. Je sais pas si tu l'avais vu cette vidéo. Oui, j'ai vu, ouais, bien sûr. Donc très bien pour cette quote, Topo. J'ai bien pris note de tes quotes, je les ai mis de côté, je les sortirai à l'occasion dans des prochains épisodes. Ouais, bah c'est Puis merci cool. bien pour les avoir envoyés, n'hésitez pas à nous envoyer, ça fait toujours plaisir ouais, d'avoir des quotes des auditeurs. C'est vrai que ça pourrait être aussi une bonne approche, ça. Une bonne source. Ouais. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Voilà, avant de se quitter, moi je voulais encore juste refaire un petit plug pour la pièce de Xavier Agnès que je suis allé voir hier soir. Enfin, je dis de Xavier Agnès, en fait, c'est lui et sa compagne qui représentent la troupe, la compagnie de La Bulle. Ils sont encore à Genève jusqu'au 16 avril, donc c'est vendredi et samedi à la maison de quartier de La Jonction. C'est un truc complètement étonnant. C'est comme un reportage, comme un documentaire, mais sans les codes du documentaire, sans la distance de la télévision, de l'écran en tout cas. On a l'impression d'être dans la tête d'un malade, quoi. C'est ce gosse de 18 ans en Allemagne qui était révolté contre tout et tout le monde, qui était extrêmement frustré, puis qui a déguisé, enfin qui est retourné sur les lieux de son école, armé jusqu'aux dents, et qui a déguisé 38 de ses camarades et de ses profs. Enfin, il les a blessés, il les a pas tués, mais il en avait l'intention avant de se suicider. Et puis voilà, c'est ces dernières pensées avant de passer à l'acte qui ont été mises en scène. C'est un texte qui est pas facile. Alors c'est vraiment pas du divertissement light, mais ça donne vraiment à réfléchir. Et c'est superbement interprété, c'est vraiment excellent. Donc précipitez-vous, là il reste 2 jours si vous êtes sur la région de Genève, vendredi et samedi jusqu'au 16 avril. Sinon il y aura encore quelques dates en mai. À Puy, près de Lausanne, en Suisse. On redonnera les dates à ce moment-là. Ok, merveilleux. Ben, j'ai pas la chance Ben non, pour d'aller le toi, voir c'est pour la cuit. à cause de la distance, mais Ouais. jusqu'à quand ils font les représentations, t'as dit? Alors, jusqu'au 16 avril à Jusqu'au Genève. 16 avril à Genève. Ouais, donc jusqu'à samedi. Et puis en général, les représentations sont suivies de tables rondes avec des spécialistes, donc soit Ah oui, c'est juste, ouais. des psychiatres, des sociologues, des journalistes qui débattent de la question. Parce que la question, c'est un petit peu, est-ce que le type était taré? Est-ce que c'est la faute de la société? Est-ce que la société est malade? Est-ce que c'est l'institution scolaire? Est-ce que c'est le passé nazi de l'Allemagne qu'on fait peser sur les épaules de jeunes qui n'étaient même pas nés à l'époque où tout ça s'est passé? Enfin voilà, Bon, il y a tous ces il y a paramètres. un fait d'actualité qui rejoint un peu ce fait divers là. Il y a tout récemment au Brésil, il y a aussi un jeune qui est retourné dans son école, tiré sur tout le monde. Et il a enregistré, je crois, un jour ou deux avant, pourquoi, les raisons de son acte. Et visiblement, il l'a fait parce qu'il aurait peut-être été abusé dans cette école et il allait tuer tous ses enfants pour pas qu'ils soient abusés, pour les sauver finalement. Oula, ouais, Je sais d'accord. pas, mais bon, là aussi, ouais, ça rejoint un peu l'idée. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il y aurait eu des abus? Il aurait été abusé dans cette école quand il était plus jeune et ça l'a un peu traumatisé. Après, on arrive à des situations comme ça. Bon, on va laisser les psychiatres en parler mieux que nous, je pense. Ouais. Bon, mais ça m'aurait fait du bien. Hier soir, c'est mal fait. Je crois que c'était le seul soir où la représentation n'était pas suivie de table ronde. Mais juste de pouvoir y réfléchir et d'en parler avec des gens qui ont une réflexion sur le sujet, je pense que ça doit aider à processer puis à digérer le truc, quoi. Mais enfin, voilà, vachement bien, très intelligent, beaucoup de talent. C'est vraiment excellent. Je vous encourage à y aller. Foncez-y. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord, parfait, en grande forme. Ok, bah, joyeuse bonne idée. Alors d'ici là, bah, toute bonne semaine. Allez, à bientôt. À bientôt, Ciao. ciao ciao.